Le ventre rond, le cœur à l'unisson, les mères nettoie le nid, bientôt le petit de la terre viendra pousser un peu plus le passé derrière. La vie est là qui tantôt verra la lumière. Une eau s'enfuit, bientôt l'animal qui se terre se lèvera du fond des âges, ira en guerre. Trois petits cris, la douleur qui surgit, si fière, serre les dents, c'est l'enfant qui dedans s'affaire. Un premier cri, deux sourires attendris, te serre. L'enfant est là, fragile entre tes bras, légère. On se battra partout, tu iras pour faire de ton combat un triomphe, un éclat solaire. Dis, qui es-tu? Mon amour est perdu. Mystère. Je vais t'aimer, pour toi je pourrais tuer mes frères. On sera bien et tes mains dans nos mains se serrent. Croque chérie, croque bien dans nos vies, petite mère. Le ventre rond, le cœur à l'unisson, les mères nettoie le nid ou bientôt le petit de la terre viendra pousser un peu plus le passé derrière. La vie est là qui tantôt verra la lumière.